Chapitre 20e. En quelques minutes, Tsien-Long eût été soigneusement ficelé et enveloppé par Bork, qui en fit un paquet moins volumineux que l'aurait cru Iko Teruka. « Allons !» ordonna ce dernier, son pistolet en main. Flanqué du célèbre détective, Bork sortit de la chambre. Les fugitifs, en quelques instants, arrivèrent devant une porte donnant sur le jardin du palais du mandarin. Ils croisèrent plusieurs serviteurs qui, reconnaissant Bork, s'effacèrent. Les jardins traversés, les deux hommes descendirent le large escalier de marbre noir aboutissant à la berge. Le juillet n'avait pas bougé. Bork, qui suait à grosses gouttes, s'engagea sur la passerelle unissant la jonque à la rive. Comme il mettait le pied sur le petit navire, le gigantesque manchou qui avait précédemment lavé le visage d'Iko Teruka déboucha d'une écoutille. Bork dut lui faire un signe, car il poussa un cri d'appel et, tirant le poignard qu'il avait à la ceinture, se rua sur le détective japonais. Le pistolet d'Iko Teruka claqua. La tête trouée, le manchou s'abattit sur les planches du pont. « Descends mettre le moteur en marche, » ordonna tranquillement Iko Teruka à Bork. « Si nous étions pris, tu serais aussi bien supplicié que moi. Je dirais que tu étais d'accord avec moi, et l'on me croirait. Fais vite, pose ton colis sur le pont. » Bork frissonna. Il comprenait que le grand détective disait vrai. Sans mot dire, il jeta Tsien-Long sur les planches sèches et s'engouffra dans l'écoutille conduisant au compartiment du moteur. Iko Teruka, à l'aide de la serpe qu'il avait conservée, coupa rapidement les cordes qui retenaient la jonque à la berge. Il achevait à peine de trancher la dernière, que des cris retentirent sur la terrasse autour du palais de Tsien-Long. Des Chinois, armés de carabines et de piques, apparurent. La détonation du pistolet d'Iko Teruka leur avait donné l'alarme. Vociférant comme des démons, ils bondirent vers la berge. Trop tard, le moteur de la jonque s'ébranlait et ronflait à toute vitesse. Iko Teruka, sans souci des balles qui sifflaient autour de lui, avait saisi la barre du gouvernail et dirigeait le huet vers le milieu du fleuve. Poussé à la fois par le courant et par son hélice, le petit navire eut rapidement distancé les sampans et les jonques à voile qui s'étaient lancés à sa poursuite. Ce fleuve, c'était le Sikyang. En une vingtaine d'heures, le Yui en atteignit l'embouchure en face de laquelle est située la presqu'île de Macao. Le capitaine Bork était complètement anéanti. Il n'essaya même pas de fuir. Iko Teruka, aussitôt arrivé à Macao, le remit à la police, ainsi que le mandarin Tsien-Long, qui vivait encore. Ayant reçu la promesse de la vie sauve, le capitaine Bork avoua toute la vérité. Lui et Afo faisaient partie d'une bande de pirates appelée les Scorpions, qui avait des ramifications sur toute la côte de Chine. Mais Afo avait voulu garder pour lui le produit des vols qu'il avait commis. Les pirates l'avaient fait piquer par un scorpion, et Bork avait eu l'idée de le transporter dans la maison de Joachim de Meio, tandis que la même nuit, la jonque Santa Madre était coulée et que les caisses de piastres qu'elle contenait étaient transportées sur le Yue. Joachim de Meio avait été enlevé par d'autres pirates qui l'avaient enfermé dans la cave de la maison de jeu. Mais la visite faite par Iko Teruka dans la cave avait décidé les bandits à libérer Joachim de Meio après l'avoir rendu fou. Tsien-Long, qui devait survivre à ses blessures et qui était le chef secret des scorpions, confirma les aveux de Bork. Menacé d'être pendu, il fit connaître un remède qui permit de rappeler à la raison le pauvre Joachim de Meio dont l'innocence fut reconnue. Plainte fut déposée auprès du gouvernement chinois, qui fit exécuter une perquisition dans les caves du palais de Tsien-Long. Les piastres furent retrouvés et renvoyés à Macao. Bork fut condamné à 20 ans de travaux forcés. Tsien-Long aux travaux forcés à perpétuité. Iko Teruka, ayant reçu du général de Meio une riche récompense, ne s'attarda pas à Macao et partit pour Batavia, où l'on venait de découvrir une affaire de sorcellerie aussi mystérieuse que tragique. Ainsi s'achève le mystère du Scorpion Vert, une aventure du détective Iko Teruka par José Moselli.